sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Le seul ami qui me comprend. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime. Quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme. Sa parole me renferme. Sa parole. Quand devant l'épreuve je suis comme. Quand devant l'épreuve je suis comme. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Jésus me tend sa main d'amour. Ah, ah, il me dit prends le secours. Oh, Jésus, le maître de moi.